Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Et puis ce matin, on va faire connaissance de Brian. Brian, oh yeah. Évidemment. Il est dans le kitchen. Yeah. Yeah. Et à votre avis, c'est quoi son problème justement à Brian? C'est à Bordeaux que vit Brian. À 20 ans, cet agent de sécurité a une particularité peu commune. Brian fait peur aux gens juste en ouvrant la bouche. Et oui, juste en ouvrant la bouche. Mais alors, à votre avis, c'est quoi son souci? La laine. Oui, c'est ça. La laine. Il a une langue coupée en deux. Ouais, il a une langue coupée en deux. Les dents. Oh. Et non, pas du tout. Il a un problème de... Comment dire? Écoutez. Excusez-moi. Vous voyez une cigarette? Je vais demander une cigarette à quelqu'un tout de suite. Je crois que je l'agresse. Beaucoup de gens me disent, voilà, t'as une grosse voix. Oh là là, c'est chelou. Eh oui, c'est chelou. Oh, c'est chelou. Il est quand même énorme, non? Je suis ton père. Eh oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Et donc là, en fait, il est agent de sécu avec une voix comme ça. Évidemment, personne ne va lui prendre la tête. Hein, ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Mais évidemment, Brian, c'est pas son rêve, quoi. Tu vois, il a envie d'autre chose. Le métier de Brian, agent de sécurité, semble fait pour lui. Mais le jeune homme a d'autres ambitions. Ce que je veux vraiment faire, c'est reprendre mon métier que je faisais avant, c'est-à-dire animateur pour enfants. Oh là là. Oui, c'est vrai que ça pourrait être énorme quand même. Hein. Non, t'imagines, le mec il arrive comme ça. Oui, je vais te raconter l'histoire du petit pousset. Ça peut être bien. Bon, heureusement. Hein. Bah oui, non mais les enfants vont avoir peur. Ce qui est normal. Et là il va dire, mais qu'est-ce qui vous arrive les enfants? Attends, je vais le refaire avec la voix normale. Mais qu'est-ce qui vous arrive les enfants? Qu'est-ce qui vous arrive? Oh non mais... Oh, ça peut être bien, non? Je pense qu'il peut oublier son rêve. Oui, je crois aussi. Oui. Je crois que ça va pas être trop possible en fait. Ça va être compliqué. Qu'il reste agent de sécu. Hein. C'est dommage. Tu sais ce qu'il pourrait faire, travailler avec les enfants, mais dans le parc Disney ou Astérix, tu vois, faire la maison de l'horreur ou genre. Tu vois, c'est très bien. Il sera en contact avec les enfants. Ouais, c'est vrai, c'est pas con. C'est pas mauvais. C'est pas une mauvaise idée. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Alors, on va appeler à Serein pour vérifier le sondage, un sondage qui était surréaliste puisqu'on s'est rendu compte dans un sondage que les Suédoises le faisaient souvent, c'est-à-dire coucher avec leur copain, avec le papa en l'occurrence, mais avec le bébé qui dort dans le même lit. Ça les dérange pas. Voilà, c'est juste un truc dégueulasse, mais ça les dérange pas. Non, donc heureusement, j'ai fait le même sondage sur le Facebook de Fun, facebook.com/funradio, et vous êtes pas majoritaire, mais unanime. Tout le monde répond non, bien évidemment que c'est dégueulasse. On est bien d'accord, bien entendu. On va donc téléphoner à Serein pour poser la question là-bas. Mais allons-y. Allez, on va à Sra, c'est parti. Direction Sra maintenant. Faut vérifier. Oui, bah bien sûr. Alors. Allô. Oui, bonjour monsieur. Allô. Oui, bonjour monsieur. Bon, bah, ça commence bien, tiens. C'est-à-dire que déjà, il comprenait pas. Bon, c'est pas grave. Il a pas aimé ta voix. Ouais, peut-être. C'est parce que j'ai dit bonjour en fait. Bah, non, peut-être. T'es dingue ou quoi? On dit pas ça. Bon, on rappelle à Sra. C'est parti. Allez. Allô. Oui, bonjour monsieur. C'est qui là? Oui, Toff à l'appareil. C'est qui, Toff? C'est moi, monsieur. Vous me cassez les couilles, vous êtes normal, vous? Tout à fait, monsieur. En fait, je vous appelais pour un petit sondage. Allez vous faire enculer. Voilà, on va pas s'emballer, on va le rappeler encore une fois. Bah oui, parce qu'on n'a pas bien compris ce qu'il disait à la fin. Bah oui, bah si, moi j'ai bien compris, mais bon, c'est pas grave, on va le rappeler. Il va péter un plomb. C'est pas grave. On dira que c'est Julie qui appelle. Allô. Oui, excusez-moi, monsieur, mais vous n'avez pas réussi à finir votre phrase. Allez, on peut enculer. Ah, c'était tout? Ouais. Ah, y avait rien après? Ouais, va te reculer, toi et toute ta race. Ah, vous voyez qu'il y avait quelque chose. Toute ta life. Qu'est-ce qu'il y a? Ta race. Ah, pardon, t'en vois. Toi et toute ta race. Ah, ouais, nous tous, on peut y aller. Oui, ah bah charmant, ça. Et tous les temps. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Bien parler, c'est très important. Alors Pierre a décidé d'appeler ce matin un commerce. Non, pas du tout. A décidé d'appeler un commerce et de leur apprendre la bonne diction. C'est parti maintenant pour la journée internationale de la diction. Allô. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez bien l'articuler? Oui. Redites bonjour. Bonjour. Voilà, là j'entends. C'est très important la diction. C'est à quel sujet, monsieur? Que désirez-vous? Par rapport à vos gammes de chemises hommes. Oui. Vous me comprenez bien quand je parle? Oui. D'accord, parfait. Combien de modèles disposez-vous? Beaucoup, monsieur. Je ne sais pas vous dire exactement le nombre de modèles. Écoutez, vous parlez très vite. Vous m'avez dit quoi? Écoutez, monsieur, c'est du monde dans la boutique. J'ai du monde. Donc, je me propose de rappeler plus tard. De rappeler plus tard. Ah. Allô? Articulé. Je ne comprends pas très bien ce que vous me dites. C'est le monde à l'envers. Je parle très bien. C'est vous qui avez du mal à articuler. Ah bien écoutez, excusez-moi. Voilà. Je ferai des efforts à l'avenir. Mais excusez-moi monsieur, mais j'ai pas tellement de temps à vous consacrer. Babubibobu. C'est un exercice de diction. Monsieur, excusez-moi. La. Allô? Je veux et j'exige d'esquises excuses. Écoutez, je vous en prie. Allez-y, à vous. J'ai pas de temps à jouer avec vous. Ah, ton tatoué a tué ton toutou? Pardon? Un pêcheur a pêché sous un péché? Le péché empêchait le pêcheur de pêcher. Écoutez, monsieur, c'est très drôle. Très très drôle, mais écoutez, j'ai vraiment pas le temps. Chez les papous, il y a des papas papous et des papas papous. Excusez-moi, passez une bonne journée, mais j'ai pas le temps, monsieur, au revoir. Panier piano. Et ben voilà, malheureusement c'est raté. C'est pas mal. Un peu crispant quand même. Essaye un peu, Julie. Panier piano. Eh oui, c'est raté, voilà. C'est dommage. Bravo Julie. Dommage. C'était bel et bien essayé. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Aujourd'hui, je réexplique. Donc d'habitude, c'est Julie qui fait le ni oui ni non. À la base, c'était avec Aline, la stagiaire, qui a dû partir parce qu'elle avait des examens. Finalement, elle n'aurait pas dû partir parce qu'elle a tout raté. Elle avait une vie. Voilà. Donc aujourd'hui, elle est revenue à une semaine et demie de la fin de la saison. Oui. Et donc aujourd'hui, on va refaire un battle pour voir si effectivement Aline récupère sa place ou pas. Donc ce sera le battle entre Aline et Julie aujourd'hui. Vous avez voté en masse, plus en tout cas pour Julie que pour Aline, hein, puisque Aline n'a qu'une seule voix. Il n'est pas énorme. Ouais. Voilà. Donc si vous avez deux. Merci. Si vous avez envie de voter pour Aline, donc n'hésitez pas, ou pour Julie, vous envoyez Aline ou Julie au 6322. Si vous misez sur le bon cheval, on fera un tirage au sort après. Parmi les bonnes réponses pour savoir laquelle a gagné et donc lequel d'entre vous a bien voté. J'ai l'impression d'être dans Secret Story. Ouais, c'est ça. Julie, voilà, vous envoyez Julie ou vous envoyez Aline au 6322 et bonne chance tout le monde, hein, on vous appelle juste après. Allez, c'est parti, ni oui, ni non, ni... Quoi? Bah non, non, quoi non, ni ce, c'e ou oh, se. Non. Si, si, c'e ou s-e. Non, allez, attention, non, on y va, c'est parti. Une minute, vous connaissez le principe, hein, pas oui, pas non, et pas ce, s-e ou c-e. Allez, hop, bonne chance. Salut Aline. Salut. Comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien, merci. Ça a été les examens? Plus ou moins, j'espère que c'était de ne pas avoir trop d'examens de passage. Tu penses en avoir combien? Aucune idée. J'aurai la réponse demain. Et toi, comment ça se passe à la radio? Très bien, tu nous manques. Oh, beaucoup. C'est gentil. C'est très difficile sans toi. Eh oui, non, oulala, oulala. Eh bravo à Julie, comment ça se passe à la radio? Oui, c'est ça. Mais oui. Est-ce qu'elle nous a un petit peu mâché? Elle nous a un peu enfumé là. Ah non, allez. Ah non, non. Donc pour tous ceux qui ont voté pour moi, j'ai été digne. Effectivement, comment ça se passe à la radio? T'as essayé de nous enfumer là, hein? Ouais, complètement. Ouais, j'ai essayé, ouais. Voilà. Bon bah bravo à ceux qui avaient voté Julie. Donc on va en sélectionner un pour repartir avec l'iPod. Et puis comme d'habitude, Aline est mauvaise, hein. Ça n'a pas changé par rapport à avant les examens. C'est pas plus compliqué que ça. 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio On Fun Radio.